music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Ça démarre. Précisément 5h07 sur Fadjet. Vous êtes au cœur de ces 40 heures pour le 40e anniversaire avec, on entend John Miles, ça s'appelle Music. Music was my first love. Moi je dirais plus Valentin qui m'accompagne à la technique. The radio was my first love, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Nous sommes ensemble avec une heure de musique et de story, d'histoire également autour des musiques d'Elton John, d'Étienne Dao, de Kate Bush, d'Angel également. On ira voir un groupe allemand qui s'appelle Mute. Comment tu dirais toi? Meute. C'est en allemand, Meute. Ça doit être ça, Meute. Il y aura également du Christine and the Queens, du Laurent Voulzy. On ira peut-être vers U2 et The Last Shadow Puppets. C'est ça un petit peu le programme musical de ces 55 prochaines minutes avant de retrouver tout à l'heure à 6h. La voix de Benoît pour encore une heure à deux heures de découverte pépite musicale. On se met un petit peu de musique encore avec John Miles. ...1976. Ça, c'est du souvenir. C'est mon âge aussi, hein. Par la même occasion. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Music of the past, music of the past. Des souvenirs également au cœur de Fadjet. J'ai pu officier ici en tant que technicien, comme Valentin qui m'accompagne aujourd'hui, également en tant qu'animateur. Et des souvenirs, j'en ai beaucoup ici. On a pu réaliser des émissions avec Tidziri. C'était un fameux samedi entre 13h et 14h. C'était une équipe en 1993 qui proposait une émission sur la culture, par exemple maghrébine. Et alors, chose qui pourrait pas se passer au jour d'aujourd'hui avec Fabienne, c'est qu'on arrivait même à manger des couscous dans le studio. Quelque chose qui est impossible aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Et moi, j'enchaînais juste après en animateur. Donc, je peux vous dire que le studio, au-delà de la sueur, ça sentait le couscous, les desserts marocains et autres. C'était magnifique. Et je vous ai choisi John Miles parce que ça, c'est la musique de l'AS Nancy Lorraine quand les joueurs rentrent sur le terrain. Fadjet, 40 ans de proximité. Cold Heart d'Elton John et Dua Lipa. C'est sorti en 2021. Ça combine des éléments classiques d'Elton John avec la pop moderne de Dua. La chanson intègre des extraits de ses titres Sacrifice et Rocketman. C'est réarrangé par le DJ Pno, créant un mélange de sonorités rétro et contemporaines. Cette chanson évoque une relation complexe où amour et froideur coexistent avec une production électropop entraînante, un clip animé coloré. Une collaboration de deux générations d'artistes, Elton John et Dua Lipa. Fadjet à 40 ans. Un anniversaire à partager. Étienne Dao, c'est en 2003. C'est un Algérien qui est arrivé en France à l'âge de 2 ans. Alors lui, c'est du n'importe quoi sur la piste dans le clip. Mais on danse, c'est la fête. Bip-hop, clip psychédélique, pop-pop, j'adore. J'en sais rien en fait. Tac-tac, chaque 2 secondes, ça tape dans la tête. On se fait un photomaton ensemble ? Allez, coupe de cheveux folle dingue, costard noir, c'est lui, Étienne. Sous la lune, sans foi, ni toi, ni fortune, je passe mon temps à faire n'importe quoi. Sur les pistes, noires de préférence, quand le démon de la danse me prend le corps, je fais n'importe quoi, tout va bien. Autant dans les clips, les 3 choristes en blanc me font peur, autant je suis fan de la danseuse. Sur un jerk électronique, se nouent des amours ludiques, hip-hop, la vie, c'est n'importe quoi, c'est la fête, c'est psychique. psychédélique. Me demande pas ce que je fabrique, je te répondrai n'importe quoi. J'en sais rien. Tomber pour la France d'Étienne Dao, c'est une chanson qui explore l'ambivalence de l'amour et de la déception envers la France. Avec le mot « tomber », Dao parle de l'immigrant entre deux cultures. Sous la lune, sans foi, ni toi, ni personne, je crois bien que je ferai n'importe quoi pour te voir. 5 minutes encore, à sable d'or près des dunes, je te raconterai n'importe quoi, ce sera bien. De l'amour déçu pour un pays, constat mélancolique, une réflexion sur l'identité et la quête de soi. La chanson, c'est à la fois personnelle et universelle. Elle parle de ce malaise existentiel, de ceux qui, entre deux cultures, n'arrivent pas à se sentir pleinement et vraiment intégrés. C'est une chanson sur la fragilité des rêves, sur l'amour déçu par un pays qui, malgré tout, reste celui qu'on choisit. Souvenir, faites-vous plaisir, tombez pour la France. Pour te voir, 5 minutes encore, à sable d'or près des dunes, je te raconterai n'importe quoi. Ce sera bien. Dundee-la, je me tout dis, ça ne suffit pas. Fais oublier que t'es plus là. Que t'es plus là. J'ai gardé cette photo sur moi. Ce photomaton que t'aimais pas. Si tu viens, n'attends pas que je sois tombé pour la France. Bref, c'est une chanson qui reste dans nos mémoires. Un clip à mettre peut-être à la poubelle. Étienne Dao avec sa cravate moche à mes yeux et en col de chemise non repassé. Vous verrez le titre, ce sera juste après. Fadjet, 40 ans de dialogue. Running Up That Hill de Kate Bush, c'est sorti à la naissance de Fadjet en 1985. C'est l'un des morceaux les plus iconiques de sa carrière, un chef-d'œuvre de la musique pop expérimentale. Le titre, à la fois mystérieux et émouvant, explore des thèmes profonds tels que les relations humaines, le désir de comprendre l'autre et l'idée de changer de place. Envoûtante et allez voir le clip après cette émission. Clip de Kate Bush, magnifique. Tell me we both met, don't we? Kate Bush y aborde dans cette chanson de manière poétique la complexité des relations amoureuses et des luttes intérieures en imaginant une sorte d'échange empathique radical. Si l'on pouvait changer nos rôles, nos souffrances, nos perceptions, peut-être que l'on pourrait enfin se comprendre pleinement. Musicalement, la chanson se distingue par sa combinaison de sons électroniques, de mélodies presque hypnotiques. La voix de Kate Bush, unique et aérienne, traverse la chanson avec une intensité émotionnelle qui rend le tout à la fois étrange et captivant. Parler d'une mélodie étrange, d'une voix aérienne, que de belles phrases pour décrire cette musique qui illustre une scène mémorable de la série Stranger Things dans la saison 4. Et on en parlait avec Agathe tout à l'heure, qui a remis en 2022 cette musique au goût du jour et qui l'a fait redécouvrir. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai découverte. Incroyable musique, je suis très heureux de l'avoir découverte parce qu'elle est magnifique. Merci Valentin. Les bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Le tube Flou d'Angèle, la Belge, c'est sorti en 2022. C'est une chanson pop introspective où l'artiste aborde des thèmes liés à l'incertitude et la confusion émotionnelle. J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'y arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. Musique Musicalement, Flou combine une production minimaliste et soignée avec des synthés aériens, une batterie subtile créant une atmosphère douce mais un peu vaporeuse, en parfaite adéquation avec le thème de la confusion, Flou Angel. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre la tête en enfer, la suite est ouverte. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou, beaucoup trop fou pour moi. Tout est devenu flou. J'en ai bien peur, la suite on verra. Oh fou, beaucoup trop fou pour moi. Tout est devenu flou. De musique, d'infos et de bonne humeur. You and me, toi et moi de... Moite. Merci Valentin. Un groupe de musique électronique allemand, c'est un morceau qui fusionne les genres avec brio, en mariant la techno et la musique orchestrale. Moite est connu pour sa capacité à transformer des morceaux électroniques modernes en performances live orchestrales en utilisant des cuivres et des percussions. Dans You and Me, le titre est à la fois dynamique et émotionnel avec une montée en puissance. C'est progressif tout en conservant l'essence hypnotique et répétitive de la musique techno. You and Me, c'est un morceau qui met en avant une certaine dualité. Simplicité rythmique, richesse sonore, intensité qui monte en crescendo tout au long de la chanson. Une énergie collective des instruments qui prend vie, dans une écoute personnelle où la puissance des cuivres et des percussions permet de se connecter à la connexion, à l'émotion de la musique. Je vous laisse planer. Fadjet, 40 ans de musique, dactylocale et de bonne humeur. Christine. De Christine and the Queens, sorti en 2014. C'est un morceau pop emblématique qui explore des thèmes d'identité et de liberté personnelle. Dans cette chanson, Héloïse Letissier, l'artiste derrière le nom de Christine and the Queens, parle d'une transformation intérieure, d'une prise de pouvoir sur sa propre image, un alter ego qui incarne la confiance et l'affirmation de soi, en contraste avec les attentes sociales et les normes de genre. C'est à la fois une déclaration d'indépendance et un hymne à la diversité, marquant l'affirmation de l'artiste dans un univers musical où l'on célèbre l'authenticité et l'émancipation. Contre les pop-up qui m'assurent. Vous l'aurez compris, une version remixée de Christine and the Queen, un remix proposé par Paradis, voilà, mais qui n'enlève rien à la qualité originale de la musique. Magnifique. Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. La chanson « Les nuits sans Kim Wilde » de Laurent Voulzy. C'est sorti également, date d'anniversaire, 1985. C'est une pièce phare de l'album Voulzy, qui incarne bien l'esprit pop des années 80. Dans ce titre, mon ami Laurent évoque la nostalgie d'une époque où la musique de Kim Wilde. Les nuits sans Kim Wilde, je m'ennuie souvent. Des fois je balade, ça dépend. Je passe des scores du temps, des chanteurs suffisent. Mais les frères personnes, c'est pas qui. La chanteuse britannique Kim Wilde, populaire à l'époque, qui semble marquer le rythme de sa vie, ça devient presque un symbole, un idéal un peu inatteignable dans cette chanson où l'artiste parle d'une vie moins joyeuse en son absence. Ah, ce matin, c'est pas facile hein, d'être dans les bras de Kim Wilde quand même. Ouais, compliqué. C'est un texte qui est rempli dans cette chanson de référence à la pop culture de l'époque et montre une sorte de mélancolie teintée de romantisme avec la figure de Kim Wilde en arrière-plan qui incarne ici un désir d'évasion, une quête de sens, comme un phare lumineux qui donne un sens à ces nuits sans elle, plus vide. Musicalement, le morceau se distingue par un mélange subtil de sonorités électroniques et de mélodies douces avec Laurent Voulzy. Déjà 5h43, c'est l'anniversaire ce week-end de votre radio. Nous continuons les émissions jusque très tard dans la journée ce dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end et on continue dans un instant avec la suite de la playlist. Les bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. With or Without You de U2, qui parle d'une relation tumultueuse et de la lutte interne du chanteur entre rester avec une personne qui lui cause de la douleur et s'en éloigner. Il ressent une forte dépendance émotionnelle, mais il est aussi conscient du mal que cette relation lui fait. Dilemme de l'amour et du sacrifice où l'on se sent pris entre l'envie de tout quitter et la peur de perdre l'autre. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. Un groupe de rock irlandais formé à Dublin, c'était en 1976, à peu près mon âge, composé de Bono au chant, The Edge à la guitare, mais également Adam Clayton à la basse et Larry Muller Jr. à la batterie. U2, c'est l'un des groupes les plus influents et populaires de la musique moderne. Leur style musical a évolué au fil de ces dernières décennies, allant du rock alternatif au son plus expérimental et électronique. Ils sont célèbres pour des albums comme The Joshua Tree, c'était en 1980. 1987 qui inclut ce titre With or Without You, avec et sans toi. Et Hartung Baby également, un autre album en 1991. Un groupe qui est aussi connu pour ses engagements sociaux et politiques, avec le chanteur Bono en particulier utilisant sa notoriété pour sensibiliser aux causes humanitaires. Et je pense que beaucoup ont dragué sur cette musique. Moi le premier. 5h49. Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. The Last Shadow Puppets, My Mistakes Were Made For You, Mes Erreurs Je Les Ai Faites Pour Toi, langoureux, triste, émotionnel. About to socialize an earthquake, I know my mistakes were made for you. In the back room of a bad dream, she came and whisked me away and confused. And it's as solid as a rock rolling down a hill. The fact is that it probably will hit something on the hazardous terrain. And we scramble from the plane. And it's the fame that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. Cette chanson relate l'histoire d'une femme qui a connu les succès et en a profité. Puis un jour, il est arrivé un drame. On her birthday, I'm now facing the crowd. Now forever the shame she came to escape is forgot. And it's a lot to ask her not to stay. Give her less than everything. Around your crooked conscience she will. Cette histoire la changera pour toujours, elle est confrontée au nouveau regard. Dans la chanson, il dit « Et c'est beaucoup lui demander de ne pas piquer ». Piquer par quoi ? Une seringue ? La drogue ? Je pense avoir mon idée, à vous de faire la vôtre. Vous laissez tout simplement planer par cette mélodie tragique. The Last Shadow Puppets, My Mistakes Were Made For You. De musique, d'infos et de bonne humeur. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future. Impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Allez, on termine avec un réveil plutôt brutal et John Miles pour Music. On termine comme on a commencé cette émission ensemble, après X années de bons et loyaux services. J'étais présent entre 92 et 96 dans cette même station, dans un autre studio. C'était l'époque où, en effet, j'ai vu voir des amours se créer, des mariages également, des enfants également. C'est comme quoi la musique et la radio peuvent porter à beaucoup de nouvelles vies. Ça a été un plaisir de passer presque 60 minutes ensemble. Merci, un grand merci à Valentin pour sa présence nocturne et matinale. Oui, écoute, moi je suis là jusqu'à midi, je fais la fermeture. Bien. On fait un aller-retour pour amener les croissants à Valentin, s'il vous plaît, il l'a bien mérité. Ça fait un plaisir d'avoir passé ces moments. Je vous le disais tout à l'heure, c'était un nouveau studio que moi je redécouvre, puisque à l'époque on était dans ces années 90, juste de l'autre côté. Au 49. Au 49 et pas au 47, exactement. Les 40 ans de Fadjet, ça continue dans quelques instants. C'est Benoît qui reprend, sauf erreur de ma part, la suite de ce Radioton de 2025. Effectivement, avec la matinale Academy, suivie de la vraie matinale, il y aura la voisinade, Brigitte et Christophe, et l'émission de conclusion de 10h30 jusqu'à midi pour obtenir 40 heures de live. Merci Valentin, très bon dimanche à tous, belle matinée, à bientôt. Music of the future, music of the past, the music of the past, the music of the Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Just